Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, on commence avec Oupoupadou, une célèbre chanson composée par Jesse Hill et arrangée par Alain Toussaint en 1960. Il y a eu quelques versions plus ou moins kitsch, plus ou moins rock, plus ou moins pop pendant les années 60 et 70. Mais là, comme nous sommes en France, je vous propose la version de Litfoot Rivet. Et oui, et en plus, c'est une double version, car en 1998, cet homme ne recule devant rien, puisqu'il nous propose un album intitulé Blues Maniac, avec 15 titres en anglais, et puis le même disque en français, qui s'appelle Saint Blues, avec les adaptations en français des morceaux précédents. Alors, Oupoupadou, en anglais évidemment ça reste le même titre, et en français ça va devenir On m'appelle le boss, Oupoupadou. Alors, comme la chanson est assez longue, 5 minutes 40, quelque chose comme ça, je vous propose le début en anglais et la suite en français, avec plein de guitaristes invités. Pat Boudolamo, Frank Bowden, Roy Rogers, Amos Garrett, Larry Garner, Tommy Castro, Patrick Verbeek, Popa Chubby, Benoît Blueboy, non là c'est à l'harmonica bien sûr, etc. etc. Litfoot Rivet and the Blues Maniacs en 1998. I'll tell you about a hoop-hoop-a-doo now, huh? Hey, you better listen, man. Oh, my, my, my, my, my, my. Hoop, hoop, a doo. You know they call me the most. Ay, ay, ay, hoop, hoop, a doo. You know they call me the most. And I won't stop trying to like create disturbance in your mind. Oop, oop, a doo. You know they call me the most. Yeah, yeah, yeah. Oop, oop, a doo. You know they call me the most. And I won't stop trying to like create disturbance in your mind. Create disturbance in your mind. Create disturbance in your mind. Create disturbance in your mind. Create disturbance in your mind. Oh, oh, whoop, whoop, doo. Thank you. comme un lard. Et contente-toi de bosser comme un âne. Et contente-toi de bosser comme un âne. Et contente-toi de bosser comme un âne. Et contente-toi de bosser comme un âne. Oh, oh, pour le coup, faut filer doux. C'était Litfoot Reveille en 1998. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série Tremé, hein, qui se passe après l'ouragan Katrina, hein, à New Orleans, en Louisiane. C'est une super série qui raconte les mésaventures, les tribulations des musiciens qui essayent de revenir. Et puis, il y a aussi un petit fond de thriller. Bref, c'est une super série. Je vous la conseille absolument. Et dans cette série, j'ai découvert un groupe cajun, The Lost Bayou Ramblers, qui reprennent, qui adaptent en français le fameux My Generation des Who. En bas, juste parce qu'on n'a pas de tracas, les choses ça paraît bien bien froid. Je vais mourir avant j'ai un bon âge. Imagination, vous n'allez pas disparaître. Prends ça, j'apprends des. Je ne veux pas faire une sensation. Parler de ma génération. Ça j'apprenais. On ne peut pas faire une sensation. J'apprends à parler de ma génération. En bas. parce qu'on n'a pas de tracas. Les choses apparaissent bien, bien froides. Je vais mourir avant j'ai un bon âge. L'imagination, c'était Lost Bayou Ramblers en 2011. Il y a toujours à boire et à manger avec Benoît Blueboy, puisque son album de 2017 s'appelle À boire et à manger à Saint-Germain-des-Prés. Benoît Blueboy avec Nico Duportal et ses gaziers du rythme, ils reprennent des chansons de Saint-Germain-des-Prés des années 50-60. Et je vous ai sélectionné T'es parti en soquette, interprété par Macaque, musique de Sacha Distel quand même. Benoît Blueboy. T'es parti en soquette pour me chercher les allumettes. Ça c'est un coup classique, mais pourquoi t'as pris tout mon fric? Je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Et si tu reviens un jour, je partirai pour toujours. Pour pouvoir t'oublier, là je me suis bien saoulé. Quand il a fallu me payer, j'étais sans le sou, on m'a cogné. Je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Et si tu reviens un jour, je te jure, ça sera ton tour. J'ai voulu me suicider au gaz, à l'électricité, mais ils étaient fermés, coupés, car j'avais pas dû payer. Je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Je croyais que c'était terminé quand tu m'as envoyé du tir. Va entrer mon gars. C'était Benoît Blueboy. Alors, en continuant mes recherches dans ma discothèque, j'ai trouvé un autre disque de 2017. C'est le groupe Automatic City. Ça s'appelle Bongos et Tremolos, surtitré The Space Echoed Rhythm and Blues Sounds from Automatic City. Voyez-vous, rien que ça. Et ils nous proposent leur version de Havana Moon de Chuck Berry. Automatic City. Havana Moon, Havana Moon. Me all alone with a jug of rum. Me stand and wait for folk to come. It's dark the night, it's quiet the dark. The boat she laid since 12 o'clock. Me watch the tide season in, as cold the moon, but high the wind. Oh, on a moon, oh, on a moon. Me all alone, me open the room. It's time to wait for the boat to come. American girl, come back to me. We'll sail away across the sea. We're back in New York, the building's high. We'll find a home within the sky. Up on the moon, up on the moon. Me all alone, me sip on the rum. I wonder when the boat should come to bring me love. How's a little thing? She rock and roll, she dance and sing. She hold me tight, she touch me lips. Me eyes that close, my heart she flips. Oh, by the moon, oh, by the moon. Drunk in the rum, me can't you think out the boat no come. American girl, she tell a lie. She says still then she mean goodbye. Oh, oh, oh, oh, me lay down alone, whiskey the rum. Me fall asleep and the boat no come. The girl she look till come to the dawn. She weep, cry, return the home. The whistle blow, me open me eyes. What's black the sun, what's blue the sky? Me grab me shoes, me jump and run. Me see that boy in the horizon. Automatique City. Yeah. Et on va terminer avec une autre chanson à l'ambiance cajun par un groupe français breton, Cajun Bouexi Band, qui en 2020 propose l'album Lune Bayou. Et dessus, il y a leur version de Tu peux cogner, qui à l'origine chantée par Little Richard, Keep on knocking but you can't come in. Et puis aussi Clifton Chenier, bien sûr, Cajun Bouexi Band. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Mais tu vas jamais rentrer. me cogner. Mais tu peux pas rentrer. Non. Tu peux cogner, mais tu vas jamais rentrer. Oh, oh, oh, le canard. Sur la porte en arrière. Tu peux cogner, mais tu vas jamais, jamais, jamais, jamais, jamais rentrer. C'était l'émission Blues Covers. Tchou, tchou, tchou, tchou.